La signalisation lumineuse indique que j'approche d'un péage. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dois laisser un intervalle de sécurité de 200 mètres minimum, réponse C. 2 secondes minimum, réponse D.